C'est fou, 89.1. La bonne musique en tout temps. Il est méchant, le vigile de la COP. Le vigile de la COP est méchant. Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio, mais c'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis, qui est diffusée ici sur C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Cette semaine, on compresse les chroniques CNX de la semaine du 30 novembre. Il va y avoir GoGo Gadget et le fil. On va commencer avec nos amis les robots dans quelques minutes à peine. Il va aussi y avoir de la musique de jeux vidéo et vos chroniques préférées comme les nouveautés en magasin. Mais on se commence avec un petit peu de musique de jeux vidéo en tant que tel. C'est le numéro 3 du palmarès 8bitcollective.com. Voici Chipzul et Her Heart à C'est fou 89.fm, c'est CNX.zip. La troisième pièce la plus aimée la semaine dernière sur 8bitcollective.com, qui est un site qui répertorie de la musique style chiptune. C'est numéro 3 par Chipzel. La pièce s'appelle Her Heart. Vous êtes à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX de la semaine dernière. On commence par celle de lundi. Voici nos amis les robots. Lundi. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est nos amis les robots. Donc, on va discuter de nos amis qui seront un jour nos maîtres. Donc, on va être gentil avec eux. Savais-tu qu'Iwan, qui avait lieu très récemment à Tokyo, hein, jusqu'au 28 novembre, une grosse affaire de foire de robots. Donc, des robots de toute taille et de toute forme. Une grosse foire de robots. De toute forme. De toute taille, ouais, je sais. Foire de robots. Ouais, c'était un gros party, c'était un rave, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les robots? C'était quoi leur foire, là? Donc, c'est des robots qui étaient capables d'effectuer plein de tâches, d'accord? C'était la Biennale internationale des robots, qu'on appelle. L'événement qui portait cette année le nom de IREX 2009, hein? C'est tenu dans la capitale japonaise, et en fait, ça se tient là depuis 1973. Il s'agit de la plus grosse foire de robotique au monde. Lors de la dernière édition, plus de 104 000 visiteurs étaient venus sur les trois jours de l'événement. Ça, c'était l'an passé. Les organisateurs espéraient faire mieux cette année. Je sais pas encore si ça a été plus que ça, l'article date d'avant l'événement. La Biennale a pour but de montrer les dernières avancées technologiques en matière de robots et de faire connaître les nouveaux projets du secteur. 189 entreprises et 63 organisations, dont des universités et des instituts de recherche, se sont réunis au centre des expositions de Tokyo Big Sight. Parmi les entreprises présentes, il y avait Mitsubishi, Shunk Intech Kaka, Toshiba Machine Co. et Dassault System Kaka. Le Japon est depuis longtemps un marché phare dans la robotique, on le sait tous. Il existe au Japon de nombreux robots dans la vie quotidienne, des machines automatiques qui assemblent des voitures, aux androïdes de sécurité, à la Robocop, en passant par les robots à faire des nouilles. D'autres robots opèrent dans les hôpitaux, auprès des personnes âgées ou dans les grands événements pour informer le public. Une école de Tokyo a même testé un robot humanoïde baptisé Saya, qui parle trois langues et qui est capable de faire l'appel et de distribuer des devoirs à faire. De nombreux séminaires devaient avoir lieu, lors de la Biennale. Est-ce qu'une conférence de Takeshi Uchiyamada de Toyota sur la coexistence harmonieuse entre humains et robots? Peut-être qu'un jour, on va vraiment s'entendre et devenir, tu sais, une communauté, une symbiose là, entre les humains et les robots. Ça va être beau à voir. Mais les Japonais ont l'air d'avoir vraiment beaucoup d'avance sur nous de ce côté-là. Ils ont l'air de les côtoyer pas mal plus que qu'ici en Occident. Tu disais qu'il y avait des agents de sécurité robots. C'est quand même assez... C'est futuriste, là. C'est ça. Mais ce n'est pas eux, c'est le présent. Nous, c'est le futur, par contre. Tiens, on parlait de Toyota il y a quelques secondes. Hein. On prépare, vous savez, l'Amérique, le Canada, les États-Unis, ce sont tous des pays qui vont devenir de plus en plus vieux. C'est la population vieillit incroyablement vite. Donc, Toyota a révélé un droïde assistant aux humains, mais robotisé. Ils appellent ça le Delivery Robot. C'est un petit robot qui est dans le programme Partner Robot de Toyota, donc partenaire robot, hein, littéralement, qui est une initiative qui veut créer des solutions robotisées pour les gens qui sont à mobilité réduite ou les handicapés, etc. Donc, ça utilise de la reconnaissance vocale, des caméras stéréo et un laser range finder, d'accord, un laser, là. Donc, il va être utilisé pour faire des tâches tout à fait normales, comme aller mener les poubelles, ouvrir des portes. Vous pouvez voir une vidéo de ce Delivery Robot sur l'article que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Donc, un jour, les robots vont sortir tes poubelles. Ça, c'est quelque chose. J'ai vraiment hâte à ce jour-là, juste pour ça. J'ai bien en masse. Le MIT, tu connais le MIT, qui ont créé un GPS pour ta voiture avec une tête robotisée expressive. Donc, il fait des expressions visuelles sur sa tête. Ça s'appelle le AIDA. Et vu que les robots n'ont pas l'air d'avoir un nom bien simple, il faut que ça veuille dire quelque chose. Celui-là, c'est Effective Intelligent Driving Agent, agent de conduite intelligent avec affection et des émotions. D'accord? Donc, la partie émotion, c'est que, pour commencer, le robot va être fait pour vraiment tenir compte de tout. Là, comment vous conduisez, quels événements se passent dans ta ville. AIDA va apprendre quand est-ce que tu finis de travailler, quand est-ce que tu vas travailler, quelles activités que t'aimes. Il va aussi savoir quand tu manques de gaz. Et en rassemblant ça ensemble, AIDA va être capable de donner des recommandations par rapport à peut-être où aller, parce que ça t'intéresse. Il y a un spectacle là qu'il sait que t'aimes ce groupe de musique-là. Il va te suggérer quand aller mettre du gaz dans ton auto en venant du travail. Il va même te dire comment y aller à cause du GPS intégré. Il va anticiper les problèmes de trafic basés sur ce qui se passe dans la ville au moment même où tu es en train de conduire. Tout ça avec une tête robotisée qui va sortir de ton dash, là. Comment t'appelles ça, là? Tableau de bord. Tableau de bord. Merci beaucoup, Kiwan. Donc, ça va sortir de ton tableau de bord et les yeux vont pouvoir te cligner ça, toi, sourire et t'aider donc dans tes déplacements. Et même que les yeux, ou en tout cas la face, les lumières vont pouvoir se fusionner pour créer, par exemple, un signal d'avertissement. T'avertissant qu'il va y avoir du trafic lourd devant toi ou des dangers sur la route. Donc, AIDA est un concept qui a été fabriqué ou designé, si on veut, par le Personal Robots Group de MIT et par le Media Lab de cette université-là, Sensible City Lab et Volkswagen Group of America, leur laboratoire de recherche en électronique. Vous pouvez aller voir une vidéo, encore une fois, sur assemblagerequis.com de AIDA, cet agent de conduite intelligent et émotionnel, émotif. Tu sais, si un jour ça devient commercialisé, pensez-vous que ça va être... Que ça va être spammable, ça, penser qu'il va pouvoir, tu sais, les compagnies vont pouvoir acheter comme la publicité, puis là, ton petit assistant conducteur va te parler, puis là, il va te dire, ah, il y a un McDonald's à ta droite, puis les McCroquettes sont en spécial aujourd'hui, là. Moi, en tout cas, je souhaite ça. Oui. Ouais, ça te fait un grand plaisir, mais. Vraiment. Ce serait la plus belle chose qui pourrait jamais m'arriver. Apparemment, un Roomba, est-ce que tu sais un peu c'est quoi un Roomba? On a déjà parlé un petit peu. C'est comme un aspirateur programmable qui va aller, quand t'es pas à la maison, va passer l'aspirateur pour toi avec un laser. Il détecte le chemin qu'il a déjà pris. Il va pas repasser deux fois par le même endroit. Donc, le Roomba, en Israël, récemment, a avalé un Vipera palestiné, qui est un serpent empoisonné, ce qui l'a empêché de tuer une famille de deux enfants et leurs animaux de compagnie, pas les parents, parce que les parents n'étaient pas là, apparemment. C'est ce que l'article me dit. Donc, un soir, la semaine dernière, Effie a allumé le robot et a quitté la maison. Quand elle est revenue, elle a essayé de le rallumer, mais ça marchait pas. Il y avait un bip sonore qui l'empêchait de marcher. Elle a ouvert la machine et a découvert à l'intérieur qu'il y avait une petite vipère, si on veut, qui occupait l'aspirateur. C'est quand même assez épeurant, mais un Roomba est capable de tuer un serpent. Ça peut sauver des vies, ça, Kiwan. Un Roomba. C'est sûr qu'il faut pas l'acheter en pensant que c'est la principale utilité, là. C'est pas ce qui est écrit sur la boîte en non, premier. Non, c'est ça. Là, vraiment pas ça. Tiens, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait bien regarder? Petit gadget bien simple, saillère poivrière robot. Donc, si vous voulez aller voir ça sur assemblagerequis.com, ça coûte environ 33$. Disponible bientôt sur SOC UK. Si vous voulez l'adresse, c'est soc.uk.com. C'est dessiné par Mark Owens. Ces robots qui sont, dans le fond, là pour vous divertir. Peut-être à Action de Grâce qui est passée, sinon à Noël. Les petits robots, c'est l'air poivrière. Moi, je trouve ça très, très mignon. Boston Dynamics, qui sont connus surtout pour leurs robots quadrupèdes. Avec quatre membres. Oui, bon. Oui. Big Dog. Quatre pattes, c'est ça. Donc, Big Dog et Little Dog, qui étaient le chien. Ils ont développé un robot à deux membres, deux pieds, d'accord? Bon, je ne sais pas comment dire. Bipède, je pense que c'est ça le mot. Hein. Bon. Qui utilise une technologie, en fait, qui fait que ses pieds ont vraiment comme un talon et des orteils. Donc, il marche un petit peu comme un humain. Le robot s'appelle Petman. Il peut être vu sur YouTube, entre autres, dans l'article que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Il fait des tests sur un tapis roulant. Le but, c'est de créer un robot anthropomorphique, donc qui ressemble le plus possible à un humain, qui va être utilisé pour tester de la protection chimique, des vêtements qui vont protéger contre le chimique pour l'armée américaine. Donc, s'il y a une attaque chimique, bon, ça pourrait sauver des vies, ça aussi. En plus de marcher, le robot va être capable de ramper comme un humain et simuler la physiologie humaine, dont la température corporelle, son humidité et sa sueur, pour aider vraiment à protéger avec ces vêtements-là, pour créer des événements dans... Des vêtements, qu'est-ce que je raconte? Dans des conditions qui ressemblent à la vraie vie. Ça aide l'armée. Avec du vrai swing de soldats. Ça va puer à mort, ce degré pour robot. Un jour, ça va exister. Et puis finalement, je vais vous poster quelques petits articles que vous irez voir. Là. Entre autres, un robot qui peut jouer à Rock Band sur le iPhone d'une façon assez spéciale. Allez voir ça, c'est une main robotisée qui joue au iPhone à Rock Band. Où il faut mettre ses doigts. C'est une vidéo, donc allez voir ça. C'est quelqu'un qui a créé ça. Un autre, c'est un robot, une danse, oui, de robots synchronisés sur de la musique de Noël. Donc, c'est vraiment des robots qui dansent sur de la musique de Noël à l'écran. Donc, allez voir ça, c'est une vidéo que j'ai mise sur assemblagerequis.com. Un robot qui joue au ping-pong avec des abdos assez incroyables. Je sais pas pourquoi on a créé un robot qui joue au ping-pong, mais c'est ça l'article. Allez voir la belle photo du beau petit robot. Et finalement, on termine avec Belle Dit. Moi, je sais surtout pas pourquoi quelqu'un qui joue au ping-pong doit avoir de beaux abdos, là, mais bon, c'est pas grave. Non. C'est pas un prérequis du tout, là. Non, je pense pas. Regarde les. Bendit, finalement, qui est un entraîneur personnel robotisé développé par des étudiants de l'école d'ingénierie Viterbi de USC, hein, qui est fait pour faire des exercices aux humains. Donc, c'est des routines d'exercice. Il t'offre de l'encouragement vocal. Il y a des bras articulés. Il t'encourage. Ça dit même, après ça, qu'il va te dire quand tu sues. Il va comme te dire que lui aussi, il sue. Mais dans le fond, il s'entraîne pas le robot. Là, on s'entend que c'est juste toi qui s'entraîne. Hein? Il essaye vraiment de rentrer dans ta tête pour t'encourager. Bendit a aussi un mode où il va surveiller tes mouvements. Il va les mimer, dans le fond, les répéter avec ses propres mouvements, un peu comme tu le fais toi-même. Accompagné de remarques sarcastiques. Bref, Bendit essaie de vous mettre en forme. Allez voir la vidéo, là aussi, sur assemblagerequis.com. Et c'était le bloc, nos amis les robots. C'était la chronique de lundi à CNX.zip. Nos amis les robots, je vous rappelle qu'on compresse toutes les chroniques CNX de la semaine du 30 novembre en ce moment. Il nous reste deux chroniques, Go Gadget et Le Fil, un petit peu plus tard. Tout ça, bien sûr, avec de la musique de jeux vidéo, oui, et des chroniques additionnelles qu'on commencera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on prend déjà une petite pause et on revient avec Go Gadget. Avant ça, en musique, oui, dans deux heures d'un peu. En musique, voici Sasakurepi avec I'm Alive Hatsune Miku Version. C'est un cover et un remake vidéo du thème de fin de l'anime Kuro Shitsuji ou Black Butler en anglais. Donc voilà, chiptune I'm Alive, c'est à CNX.zip. Passez fou, 89.1 FM.

La pièce Stage 1 de J. Arthur Keynes à CNX.zip. On est rendu à la chronique de jeudi. Restez là parce que juste après, on parle de jeux vidéo les plus loués et de nouveautés en magasin. Maintenant, c'est la chronique de jeudi. Voici le fil. Jeudi. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, eh bien, c'est le fil. Donc, on fait le tour des nouvelles geeks, des nouvelles qui nous affectent, les nerds, les geeks, ce genre de monde-là. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres gens, comme peut-être Kiwan, qui va me poser des questions s'il comprend pas des fois. Ben, pas à chaque fois, là, parce que sinon, on n'en finira pas, mais... On n'a que 10 minutes. Donc, commençons par la firme de sécurité Prevex, qui s'excuse auprès de Microsoft pour avoir faussement désigné la mise à jour du Tuesday Patch du mois de novembre comme étant l'une des causes probables générant les écrans noirs de la mort sur XP, Windows Vista et Windows 7. Dans le blog de Prevex, l'entreprise affirme s'être trompée de coupable. Ce serait donc pas la manipulation de Microsoft dans l'Access Control Unit ou sa mise à jour de correction qui générait les écrans noirs. Prevex pointe maintenant du doigt un logiciel malveillant ou un autre type de programme affectant une clé de registre et provoquant les problèmes lors du chargement du système essentiel de Windows qu'on appelle le shell. Pour sa part, Microsoft indique avoir procédé à une série de tests et n'avoir pas trouvé de lien de causalité entre le problème de plantage et sa mise à jour du mois de novembre. Donc, à chaque mois, Microsoft publie une série de mises à jour, là, le Tuesday Patch, ça sort un mardi, hein, d'où le nom. Et puis, apparemment, Prevex disait que c'était ça qui avait fait que les ordinateurs ne bootaient plus. On ne pouvait plus démarrer l'ordinateur. T'arrivais dedans, c'était un écran noir. Bref, l'entreprise affirme que les écrans noirs sont généralement associés à une faille connue de logiciels malveillants comme Downol, par exemple. L'article vient de branchez-vous. Quelque chose d'assez grand dans le domaine de la technologie cette semaine, une entente à l'amiable entre Apple et SciStar. Un accord à l'amiable de 2,7 millions de dollars américains a été conclu entre Apple et SciStar, ou PsyStar, dans le cadre du procès en Californie des opposants pour violation de droits d'auteur. Apple poursuivait SciStar parce qu'elle intégrait illégalement le système d'exploitation Snow Leopard sur des clones de Mac. Donc, tu peux prendre un portable de certaines marques, en fait, de eux. Tu peux acheter un ordinateur avec le logiciel d'exploitation du Mac au lieu de Windows dessus. Bon. Selon les termes de l'accord à l'amiable, Apple devra interrompre toute poursuite judiciaire menée contre SciStar si ce dernier s'engage à cesser la vente de ce qu'on appelle des Hackintosh intégrant le système d'exploitation Snow Leopard. L'entente financière prévue entre les deux parties engage SciStar à débourser 1,34 million de dollars américains à Apple en dommages et le même montant pour rembourser ses frais judiciaires pour la somme globale de 2,7 millions. Ce montant sera transmis à Apple dès que les procédures judiciaires, incluant les appels, seront terminées. On se rappelle que le mois passé, la Cour avait déjà tranché en faveur d'Apple. Cependant, même si SciStar cesse de préinstaller le système sur ses clones, l'entreprise continuera à commercialiser le logiciel Rebel EFI qui en facilite l'installation sur des PC en particulier. De plus, SciStar poursuivra sa fabrication d'ordinateurs clonés. Néanmoins, Apple et SciStar n'ont pas fini avec la justice puisque la POM avait porté une plainte similaire contre SciStar devant la justice de Floride. L'accord à l'amiable survenu en Californie ne concerne pas cette affaire, mais pourrait contribuer à l'écourter. C'est selon InfoWorld et MacRumors. Donc, si je comprends bien, là, les gens, là, les clients, les utilisateurs qui ont acheté des clones, eux, il n'y a pas de recours contre eux. Ça fonctionne toujours. Ils n'ont rien fait de mal, en fait, c'est ça. Ben, non, c'est ça, ils n'ont rien fait de mal parce que le produit leur a été vendu. Ouais, c'est ça, ils ne pourraient pas être poursuivis si on poursuit le vendeur, j'imagine. C'est ça, exact. Tiens, un sujet qui pourrait t'intéresser, Google a publié son Zeitgeist annuel qui est revenant sur l'année 2009 au travers du regard des internautes du monde entier. Le Zeitgeist de fin d'année offre une perspective unique sur les grands événements de l'année et les principales tendances du moment en s'appuyant sur l'analyse des recherches effectuées dans le monde, mais aussi au Canada. Ainsi, en 2009, les Canadiens ont vécu une année plutôt portée sur le partage d'informations et le divertissement en ligne. Les indicateurs de Google Zeitgeist indiquent ce qui intéresse les internautes au Canada et révèlent également les thèmes qui ont suscité l'intérêt dans le monde. Sur la page du Zeitgeist 2009 de Google, quelques phénomènes sont nés sur la toile, comme le succès des films Twilight ou encore l'annonce du décès de Michael Jackson en ligne en avant-première. Ou encore l'annonce de... OK, oui, c'est ça, en ligne avant... Ouais. Les gens n'étaient pas encore certains que c'était arrivé, mais sur Twitter, on en parlait déjà avant même que les bulletins de nouvelles et les autres sources en parlent. Il faut aussi signaler les outils de socialisation en plus des services locaux comme la météo, les annonces classées et les cartes routières virtuelles. Donc, parlons-en de ce top 10 au Canada. On va y aller en rafale. Google Street View, Michael Jackson, New Moon, Justin Bieber, Natasha Richardson, Craigslist, Accédé, Yahoo Mail, BlackBerry et le grand gagnant est Twitter au Canada. Si on parle du monde, Torpedo Gratis, hein? Dantree.com.vn, Windows 7, Lady Gaga, New Moon, Sanalika, Twitter, Twenty, Facebook et Michael Jackson. Donc, évidemment, il y a des mots là-dedans qu'on reconnaît peut-être un petit peu moins. Hein? Un petit peu, à peine. Le Zeitgeist 2009 de Google liste les requêtes les plus populaires dans plus de 50 pays. Voilà. Brad, et là, attention, Brad Nieslukowski aurait perdu son emploi au Highly Unified School District pour avoir abusé de l'autorité de son poste en téléchargeant sur tous les ordinateurs du district un logiciel gratuit de l'Université de Californie associé à l'Université de Berkeley permettant la recherche de vie extraterrestre selon l'Arizona Republic. L'école où M. N. travaillait estime le montant des dommages causés par le logiciel SETI at Home entre 1,2 et 1,6 millions de dollars américains. Le fonctionnement du logiciel sur tous les ordinateurs du district aurait accéléré leur usure matérielle, utilisé une grande quantité d'énergie et toutes sortes d'autres types de dommages significatifs. Je vous explique le concept de SETI at Home. Le logiciel utilise des ordinateurs en état d'inactivité pour analyser les informations collectées par les radiotélescopes du SETI. Ces derniers tentent de découvrir des indices attestant l'existence d'une vie extraterrestre. Donc, sur ton ordinateur, t'installes ce logiciel-là, SETI at Home, et aussitôt que tu t'en sers pas, aussitôt que tu arrêtes de te servir de l'ordinateur, il se sert des ressources de ton ordinateur pour essayer de trouver une vie extraterrestre ailleurs. Enfin, évidemment ailleurs. Mais bon, on se comprend. Bon. Pour défendre et expliquer ses agissements, M. N. s'appuie avec sérieux sur des questions de linguistique. D'après lui, les racines polonaises des termes composant son nom de famille signifient « n'écoute pas ». M. Nieslukowski. Malgré ses explications, M. Nieslukowski semble pourtant être l'un des humains les plus à l'écoute puisque le nombre impressionnant d'heures passées à son projet de recherche de preuves de vie extraterrestre aurait fait de lui l'une des personnes les plus actives et les plus admirées parmi les chasseurs d'extraterrestres. C'est pas rien, ce gars-là. C'est un grand homme. OK, passons à une rumeur. Tiens, Pandav, qui développe des applications pour le iPhone d'Apple, a récemment comptabilisé des téléchargements en provenance d'un appareil encore inconnu qui s'appelle l'iPhone 3.1. À quand le lancement, demande l'article. En effet, les statistiques de téléchargement de novembre de iBart, qui est une application développée par Pandav, montrent des téléchargements sur des appareils de type iPhone 3.1. Pourtant, l'iPhone 3GS, qui est le modèle le plus récent disponible en boutique, ça c'est son nom de vente, le 3GS, il s'identifie comme étant l'iPhone 2.1, son numéro de, on pourrait dire numéro de série. Quand il s'identifie, c'est 2.1. Et ça, c'est le plus récent sorti. Donc 3.1, c'est un nouveau modèle, qu'on pense. En octobre 2008, des développeurs avaient eu vent des tests de l'iPhone 3GS, des téléchargements de leur application à partir de l'iPhone 2.1, qui à cette époque-là n'existait pas. Ça avait lieu dans la région de San Francisco, où est situé, par hasard, le siège social d'Apple. Mm-hmm. Et l'iPhone 3GS a été lancé 8 mois plus tard. Donc, trop tôt pour s'avancer sur une date de lancement, mais on sait que ça s'en vient. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Pas vraiment. Parlons un petit peu de PlayStation 3, Kiwan. Tu connais la console qui ressemble à un four à gaufres? Mm-hmm. Bon. Il n'y a pas que les consommateurs qui profitent de la baisse du prix de la console PlayStation 3, puisque le département de la défense américain prévoit acheter 2200 consoles afin de mettre à jour un de ses super ordinateurs. Le super ordinateur qui appartient à la US Air Force possède déjà 336 consoles PS3 reliées par leur port Ethernet, qui roule un système d'exploitation sous Linux. Ce dernier serait principalement utilisé pour étudier l'implémentation de diverses applications, selon le département de la défense, qui n'est pas connu pour ses formulations particulièrement claires, dit l'article. La raison derrière ce choix plutôt étrange est tout simplement d'ordre économique. En effet, un serveur 1U, qui s'appelle, un serveur 1U de deux processeurs, blablabla, coûte environ 8 000 $, j'enlève des mots là pour vous sauver, donc 8 000 $ américains, tandis que deux Sony PlayStation 3 coûtent environ 600 $. Ces dernières offrent quand même 150 gigaflops contre 200 pour le serveur régulier. Des termes techniques, ça. Moins évidemment que Sony décide de refuser la commande, parce qu'en effet, la compagnie vend ses appareils à perte, puisque celle-ci est compensée par ses profits réalisés ailleurs, notamment avec la vente de jeux vidéo et d'accessoires, donc les jeux, les logiciels de jeux, c'est là qu'ils font leur argent parce que sinon ils sont perdants en vendant des consoles aussi peu chères avec un lecteur Blu-ray et tout. Donc, à moins que la DOD prévoie également acheter quelques dizaines de milliers de cartes memory stick, personne ne pourrait en vouloir à la compagnie japonaise de refuser une vente déficitaire, dit l'article. La source est de Register. Et pourquoi pas, je vais te laisser choisir entre les derniers sujets, j'aime ça faire ça une fois de temps en temps. Donc, tu as le choix entre des PlayStation portables pour la Royal Navy, Google Street View qui s'amène à Sherbrooke, Wikipédia qui perdrait peut-être ses collaborateurs, un site qui publie des milliers de messages envoyés le 11 septembre et les sites des jeux d'hiver de 2010 ajoutés à Street View. Vas-y avec 11 septembre. 11 septembre, ouais. D'accord, bon choix, j'aime ça. Le site internet wikileaks.org, spécialisé dans la diffusion de contenus sensibles, a entamé mercredi, il y a deux semaines, la publication de centaines de milliers, non, c'est plus récent que ça, c'est la semaine passée, je pense, de milliers de mini-messages qui auraient été envoyés aux États-Unis via des beepers le jour des attentats du 11 septembre. Le site internet wikileaks.org, spécialisé dans la diffusion de contenus sensibles, donc, deux fois le même paragraphe, excuse-moi. C'est vraiment écrit deux fois le même paragraphe. Près de 1 million de ces messages transmis sur les petits appareils de télécommunication aujourd'hui obsolètes ont été publiés, retraçant une période de 24 heures. Le premier publié a été envoyé à 3 heures le 11 septembre 2001, soit 5 heures avant le premier attentat. WikiLeaks ne précise pas comment il a obtenu ces messages censés appartenir à des entreprises de télécommunication, mais plusieurs blogs spécialisés dans les nouvelles technologies les ont jugés véridiques. Parmi les messages figurent des communications de la police de New York, des services d'urgence, du Pentagone, de personnes ordinaires, voire d'ordinateurs rapportant des erreurs de serveur. Donc, quand les tours, par exemple, de téléphone arrêtaient de fonctionner, des fois, il y a des messages qui s'envoyaient. Ça a été révélé dans ces messages-là. Si la majorité des messages n'ont pas de lien avec les attentats qui ont fait près de 3000 morts, comme, entre guillemets, « As-tu bien éteint le fer à repasser? » Hein? C'est un des exemples de messages. Certains témoignent de l'intensité du drame. Exemple, à 8h50, quelques minutes après que le premier avion eut percuté une des tours du World Trade Center, un message dit, je cite, « Un avion s'est écrasé sur les tours jumelles, c'est horrible. » Une minute plus tard, un autre message rapporte, « Le World Trade Center est en feu, c'est pas une blague. » À 8h53, un message identifié comme venant de la police de New York signale « Explosion possible au World Trade Center, niveau 3 de mobilisation. » Donc, WikiLeaks se présente comme un site lancé notamment par des dissidents chinois et permet aux internautes de dénoncer les régimes autoritaires en mettant en ligne des documents compromettants sans pouvoir être identifiés grâce à un logiciel de cryptage. Et justement, ils prennent les dons et il y a vraiment un long texte sur le site de WikiLeaks pour se protéger. Ils demandent, entre autres, aux gens qui auraient une formation d'avocat ou qui seraient professionnels là-dedans, de les aider à se battre pour rester ouverts. Donc, c'est un site qui a une très, très belle mission. C'est wikileaks.org. Ils font pas juste ça, les trucs du 11 septembre. Ils font plein d'autres choses, des documents qui sont fuités, d'où le nom wikileaks.org. Voilà, je vais mettre le reste des articles que j'ai mentionnés tantôt sur assemblagerequis.com. Donc, pas de stress. Avec ça, vous allez pouvoir les lire si ça vous intéresse. C'était la chronique de jeudi dernier, le fil. Vous êtes à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Allez voir www.assemblagerequis.com pour tous les liens des chroniques CNX. Là, vous avez qu'à cliquer sur CNX.zip juste en haut, la page assemblagerequis.com. Avant de continuer et de presque terminer l'émission, il nous reste quelques chroniques à faire. Parlons des jeux vidéo les plus loués la semaine dernière dans les clubs vidéo. De la position 10 à 6, il y a Dragon Age Origins sur 360, Grand Theft Auto Episodes from Liberty City sur 360, NHL 10 sur Xbox 360. En 7e, c'est Forza Motorsport 3 sur 360, 6e, Left 4 Dead 2 sur Xbox. En 5e, Call of Duty Modern Warfare 2 sur PlayStation 3. En 4e, New Super Mario Bros. Wii sur la Wii. En 3e, Assassin's Creed 2 sur la PS3. En 2e, Call of Duty Modern Warfare 2 sur la Xbox 360. Et en première, le jeu le plus loué est Assassin's Creed 2 sur Xbox 360. Si on parle des nouveautés en magasin maintenant pour la semaine du 6 décembre selon GameSpot.com, il y a sur PlayStation 3 The Saboteur qui sort demain mardi. C'est un jeu d'action-aventure. Il sort aussi en version PC. Dirt 2 sort demain. C'est un jeu de course sur Windows aussi, sur PC. The Legend of Zelda Spirit Tracks sort sur DS aujourd'hui même. C'est un jeu d'action-aventure. Évidemment, c'est un Zelda. Silent Hill Shattered Memories sort demain. C'est un jeu d'action-aventure sur la Wii. James Cameron's Avatar The Game sort sur PlayStation 3 demain. C'est un jeu d'action basé sur le film du même nom. Tales of Monkey Island Chapter 5 Rise of the Pirate God sort sur Wii demain. C'est un jeu d'action... Un jeu d'aventure. Pixel Junk Shooter sort le 10 décembre. C'est un jeu de stratégie en temps réel. UDF 3D Tactics sort aussi le 10. C'est un jeu de simulation. Rec Room Games sort sur la Wii aujourd'hui. C'est un jeu de sport. En fait, il y a du soccer de table, du air hockey, un paquet de trucs comme ça. C'est un petit jeu récréatif. Hein? Rec Room, c'est comme une salle de jeu. Your Shape sort demain. Il y a aussi Hello Kitty Online qui sort le 12. C'est un jeu massivement multijoueur. East India Company Battle of Trafalgar. C'est un jeu d'action-aventure qui sort demain. Playmobil 2 Pack sort aussi demain. Et finalement, Puzzler World sort sur DS demain. C'est un jeu de casse-tête, de puzzle. Ça, c'est tout pour les chroniques pour aujourd'hui. Je vais vous laisser aller voir toutes les sorties sur assemblagerequis.com, évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations. On va s'écouter un petit peu de musique, puis on revient avec la conclusion. Ça va être super rapide. Vous êtes à CNX.z, puis on écoute We The Sick avec Do I Hear Cinebells Run, Run, Run. c'est sur Cinex.ca. Et c'est maintenant. Oui, de Sick et la pièce Do I Hear City Bells Run, Run, Run à CNX.zip. C'est la fin de l'émission de cette semaine. Allez voir assemblagerequis.com pour les liens et pour la balado-diffusion. On va se quitter avec la pièce The Fire par 12 Insomnia. Une nouvelle chanson sur redbitcollective.com, site que je vous conseille évidemment de visiter parce que c'est rempli de super bonne musique de chiptune. Alors, on se retrouve à 15h pour Assemblage Requis avec une nouvelle chronique CNX à l'intérieur. C'est comme un Kinder Surprise, hein? Il y a une chronique CNX une fois de temps en temps qui se présente comme ça, puis tout le monde est bien excité. Le dîner de clown va suivre à 11h. Restez avec nous sur les ondes de C'est Fou et bye bye.